Chapitre 25e. Monsieur Heisenberg s'en revint à Gabas, partagé entre deux sentiments opposés, heureux et désolé. Il était fier de n'être plus juge de paix. Ainsi se trouvait rompue la tâche qui, malgré lui, l'avait pendant tant d'années retenu. Désormais, il pourrait parler, il pourrait agir. Il ne resterait point étouffé par le mépris qui s'amassait en lui, comme cela était arrivé si souvent. Il était libre. Mais cette satisfaction orgueilleuse de l'esclave qui a brisé sa chaîne était attristée par la pensée de Marthe. La pauvre enfant, qu'allait-elle devenir? Maintenant que M. Denis savait où elle était, il allait la faire revenir près de lui. Le voudrait-elle? Si elle ne le voulait pas, c'était une nouvelle fuite, sans avoir personne chez qui se réfugier. Où irait-elle? À l'aventure, c'était impossible. Si elle obéissait, au contraire, si elle rentrait à Châteaupignon, ou bien si elle allait à Paris, c'était se livrer aux entreprises de Saint-Austreberthe. Comment résister à un homme qui employait des moyens de la nature de ceux qui venaient d'être mis en jeu? Elle était perdue. Fallait-il la voir devenir la femme d'un pareil homme? De quelque côté qu'il se tournât, il ne voyait que des dangers pour sa chère petite fille, et pour lui, il voyait une séparation certaine dans un délai rapproché. Dans quelques jours, le lendemain peut-être, elle lui serait arrachée. Il était si heureux près d'elle. Son vieux cœur s'était si bien habitué à cette tendresse douce et jeune. Il ne verrait plus son sourire, il n'entendrait plus sa voix joyeuse qui emplissait la maison. Il resterait seul, comme il l'avait été si longtemps, dans cette maison déserte. Et leurs projets qu'il faisait la veille, et leur travail, et leur promenade, plus rien. La route pour lui se fit tristement. En descendant sur le quai à Morsan, il lui sembla entendre prononcer son nom derrière lui. Il se retourna et se trouva en face de Madame Denis. « Vous, madame, seule ?»« Je vais chez vous, chercher Marthe, si vous voulez la rendre à son père. » Ses craintes s'étaient vite réalisées, le moment était arrivé. « Je n'ai rien fait, pourra-t-il Marthe chez moi. Elle est venue librement, elle partira comme elle est venue. » Ce coup de tête est déplorable. Le désespoir nous inspire autrement que le calme. Il est fâcheux que la pauvre enfant ait été réduite au désespoir. Madame Denis ne voulait pas continuer la conversation sur ce ton. Elle changea de sujet en demandant à M. Heisenberg comment il se rendait à la Quétive. « Dans ma voiture, qui n'est qu'une carriole, ce qui fait que j'hésite presque à vous proposer une place. Cependant, comme il n'est pas facile de trouver mieux ici, je vous engage à l'accepter, si peu confortable qu'elle soit. Mais j'y pense. Comment vous trouvez-vous à Morsan, arrivé par la ligne de Tarbes, au lieu d'arriver par la ligne de Bordeaux? C'est que je suis venu de Paris par Lyon, Sète et Toulouse. » Afin de sauver l'absence de Marthe, j'étais m'établir au bord de la mer et l'on a répondu le bruit que Marthe était avec moi. Si j'avais été rencontré seul dans la gare à Bordeaux, cela aurait pu éveiller les soupçons. Nous retournerons à Paris par le chemin que j'ai suivi. Comme cela, rentrant ensemble, les apparences seront sauvegardées, même pour les domestiques. Marthe ne sera pas compromise dans sa réputation, il me semble, pour avoir passé quelque temps chez son grand-père. Il ne convient pas pour M. de Saint-Austreberthe que Marthe paraisse l'avoir fui. « Alors c'est pour Monsieur de Saint-Austreberthe que vous la ramenez à Paris ?»« Je ne sais pas. Mon mari ne s'est pas expliqué avec moi ce sujet. Il m'a demandé de venir chercher Marthe. Je suis venu. » Il ne fut pas question de Marthe pendant tout le voyage. Madame Denis paraissait peu disposée à s'ouvrir, et M. Heisenberg n'était point d'humeur à soutenir une conversation de simple politesse. Parler de Marthe, chercher un moyen pour lui venir en aide, s'occuper d'elle avec amitié ou sympathie, pour cela, il eût été près d'esprit et de cœur. Mais parler de choses insignifiantes ne pouvait pas lui convenir. Il avait d'autres soucis que d'entretenir cette jeune femme, pour laquelle d'ailleurs il n'avait jamais eu des sentiments bien tendres. Marthe était venue au-devant de son grand-père dans la lande, à moitié chemin à peu près, entre la Quétive et Gabas, et en l'attendant, elle s'était assise au pied d'un chêne-liège qui se trouve isolé au milieu des bruyères, formant un petit dôme de verdure au centre de ce désert. Il y avait environ une demi-heure qu'elle était là, lorsqu'elle entendit au loin un roulement sur la route empierrée. Elle se leva et regarda dans les profondeurs vaporeuses du soir, aussi loin que ses yeux purent plonger. Mais elle ne vit rien, car dans ces solitudes dénudées et silencieuses, les bruits se perçoivent à des distances considérables. Enfin, elle aperçut un point noir qui émergea de la bruyère, puis peu à peu elle distingua le cheval et la voiture. Mais elle ne crut pas que ce fût son grand-père, car dans la carriole se trouvaient deux personnes. À mesure que la voiture se rapprocha, ses doutes s'accentuèrent, car l'une des personnes était une dame, dont le voile gris flottait au vent. Une dame, à la Quétive, c'était impossible. Cependant, la voiture approchait rapidement. C'était bien le cheval, c'était bien la carriole de son grand-père, c'était bien son grand-père lui-même. Quelle pouvait être cette dame? La distance diminuant encore. Sa belle-mère. Le sang l'étouffa au cœur. Le cheval s'arrêta, et M. Hazembert sauta bas de la carriole lestement, comme un homme de 30 ans. Il prit Marthe dans ses bras et s'approchant de son oreille. « Du courage, » dit-il à voix basse, « je serai avec toi. » Et il la serra contre sa poitrine dans une étreinte passionnée. Il n'y avait que 2 places dans la carriole. « Monte, » dit M. Hazembert, « tu conduiras le cheval, j'irai à pied. » Mais Marthe repoussa cette offre avec vivacité, presque avec effroi. Puis par un serrement de main, elle fit comprendre à son grand-père étonné qu'il ne devait pas insister. « C'est à moi d'aller à pied, » dit-elle. Puis tout bas, elle ajouta, « Marche vite, sans m'attendre, que je reste seul pour me remettre. » M. Hazembert reprit sa place et fit comme Marthe l'avait demandé, c'est-à-dire qu'il mit son cheval au trot en la laissant derrière eux. Elle n'avait échangé que quelques paroles avec sa belle-mère, sans même lui toucher la main. Elle revint lentement. Comme tous les coups imprévus, celui-là l'avait jetée hors d'elle-même. Que faire? Elle cherchait avec angoisse, elle ne trouvait rien. Un moment, l'idée lui vint de se sauver à travers la lande en courant droit devant elle tant qu'elle aurait de force. Mais c'était là une idée d'enfant révolté. Quand elle aurait mis entre elle et sa belle-mère quelques lieues, où irait-elle? On la découvrirait de nouveau, ce serait à recommencer. On ne pouvait la marier sans son consentement, elle devait lutter. Maintenant Philippe était certain de son amour, elle serait seule à souffrir. En approchant de la maison, elle aperçut son grand-père qui venait au-devant d'elle. Elle se jeta dans ses bras. Il la tint longtemps embrassée. « Tu décidais à obéir à ton père, n'est-ce pas, mon enfant ? » dit-il. « Oui, grand-père. »« C'est bien. Je t'accompagnerai à Paris. Je te soutiendrai, je te défendrai s'il le faut. Enfin, tu m'auras auprès de toi. À nous deux, nous serons forts. Personne ne peut t'obliger à dire oui, si tu ne veux pas. Je ne le voudrais jamais. Alors tu ne le diras pas. » En quelques mots, il lui raconta sa visite à Pau. « Tu vois ? » dit-elle avec effroi. Quels sont leurs moyens et de quoi ils sont capables? Il ne leur manque qu'une chose, c'est de faire entrer en ligne de compte l'honnêteté chez leurs adversaires. Quand ils rencontrent cette honnêteté, ils sont tout de suite battus. Ils étaient arrivés à la maison. « J'y pense, » dit M. Hazembert en s'arrêtant. « Veux-tu que je fasse préparer le lit de ta belle-mère dans ta chambre ?»« Oh non, non !» s'écria Marthe vivant. « Non, je t'en prie, qu'elle prenne la grande chambre. » M. Hazembert avait déjà été surpris du refus de Marthe lorsqu'il lui avait demandé de prendre place à côté de Madame Denis. Ce nouveau cri de répulsion, plus accentué encore que le premier, le frappa. Évidemment, il y avait là quelque chose de significatif, mais quoi? Il était peu questionneur, il ne voulut pas l'interroger. D'ailleurs, il était en réalité assez satisfait de la voir dans des dispositions de froideur envers sa belle-mère. Il n'aimait pas Madame Denis, et ce lui était une satisfaction que sa petite-fille partageât ses sentiments. Le souper était servi, non pas comme à l'ordinaire, dans la cuisine, mais dans la salle à manger. 3 couverts sur une nappe blanche, on n'était plus en famille, il y avait une étrangère. Personne n'était en appétit, le souper fut vite terminé. « Quand devons-nous partir ?» demanda Marthe à sa belle-mère. « Demain, si vous voulez. »« Je n'ai qu'à obéir. Demain. » Marthe ne se coucha pas aussitôt qu'elle fut rentrée dans sa chambre. Il y avait 1 heure à peu près qu'elle allait et venait. Lorsqu'elle entendit un bruit de pas lourd dans le corridor, puis on frappa à sa porte. C'était son grand-père. « Tu me fais plaisir, » dit-il après avoir regardé autour de lui. « Grand plaisir. Je vois que tu emportes les choses qui t'ont servi ici. Ce sera un souvenir, n'est-ce pas? Je te le promets. Allons, allons, ne nous laissons pas attendrir. Ce serait mauvais pour tous deux. Viens plutôt m'aider. C'est pour cela que je suis venu te chercher, en entendant du bruit chez toi. » Ils passèrent dans sa chambre. M. Hazembert s'était aussi occupé de ses préparatifs. Il avait sorti d'une armoire une vieille valise en forme de porte-manteau qui datait de Louis XV ou de Louis XVI, et il avait tâché d'y entasser les objets qu'il voulait emporter. Mais il était malhabile à cette besogne et il n'avait pas réussi. « C'est là ta malle ?» demanda Marthe. « Crois-tu qu'elle soit trop petite ? Il me semble cependant qu'elle est suffisante. Avec 6 chemises, 12 mouchoirs, des bas, c'est tout ce qu'il me faut. J'emporte aussi sur mon dos ma redingote neuve. » « Tu as donc une redingote neuve ? Mais oui, celle que j'ai fait faire il y a 5 ans, avec un chapeau que j'achèterai à Paris. Me trouveras-tu assez beau ?» En un tour de main, Marthe eut arrangé les chemises, les mouchoirs et les bas dans la valise. Et le lendemain matin, on se mit en route comme on était convenu la veille. Marthe et M. Eisenberg, lorsqu'ils virent les pins de la cotille disparaître derrière eux, se regardèrent dans un même mouvement, des larmes roulaient dans leurs yeux. Cependant, le chagrin de ce qu'ils quittaient devait s'affaiblir devant l'angoisse de ce qui les attendait. Quel allait être l'accueil de M. Daunis? Quelles allaient être ses dispositions? Le voyage se fit sous le coup de cette inquiétude. Il fut triste, et l'attitude que Marthe conserva envers sa belle-mère le rendit plus désagréable encore. Autant elle se montrait douce et tendre avec M. Eisenberg, autant elle était roide avec Mme Daunis. Enfin, ils arrivèrent à Paris. M. Daunis les attendait, avenue de Messine, prévenu par une dépêche. Le père et la fille se regardèrent durant une seconde. M. Daunis ouvrit les bras, Marthe se jeta à son cou. Ils étaient aussi émus, aussi tremblants l'un que l'autre. M. Eisenberg poussa un soupir de soulagement, et après que le premier moment d'émotion fut passé, il s'approcha. « Daunis, dit-il, j'ai à vous parler, mon ami. »« Et moi aussi, » dit M. Daunis d'un ton sérieux. « Si vous voulez bien venir dans mon cabinet, je serai tout à vous. »